Bonjour, frères et sœurs. Dans mon premier message, nous avons parlé de la vraie sécurité du salut. Maintenant, nous allons parler de la fausse sécurité du salut, de ceux dont le Christ a parlé et qui disent « Seigneur, Seigneur ». Je parlerai de la confession de la bouche qui mène au salut ou qui mène à l'auto-séduction. Matthieu 12, 37, Jésus dit « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné ». Romains 10, 9, 10 « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » La confession est la manifestation inévitable d'une vraie expérience chrétienne. Et là, je ne parle pas de la confession que quelqu'un d'autre nous fait faire, mais de celles que nous faisons spontanément lorsque des incroyants ou des persécuteurs potentiels nous demandent si nous sommes chrétiens. La confession est le premier complément humain de la foi. Si la bouche se tait, c'est que le cœur est vide. Dieu nous a donné la confession de la bouche comme un moyen de nous hisser et de nous placer aux côtés du Christ persécuté et crucifié. La foi seule ne sauve pas, et la confession à elle seule ne sauve pas non plus. Les deux doivent fonctionner ensemble. Quand un groupe de personnes s'avance en avant à la fin d'un service pour accepter le Seigneur, nous leur faisons répéter une petite prière par laquelle les gens confessent leur foi en Jésus. Malheureusement, quand on vit en période de paix et que nous sommes entourés de chrétiens, cette confession n'a pas toujours une valeur salvatrice. Quelquefois, les gens acceptent le Seigneur suite à un sermon très superficiel où la totalité de l'Évangile ne leur a pas été présentée. Ce qui fait que leur confession de bouche « j'accepte Jésus comme Seigneur » ne vaut pas très cher quelquefois. Qu'ont-ils accepté au juste? Ils n'ont peut-être pas accepté vraiment Jésus. Ils ont accepté ce qu'ils ont entendu dire de Jésus dans le sermon. Et quelquefois, l'abîme est très large. Les gens qui n'ont pas compris tout ce que l'Évangile impliquait sont ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ne font pas ce que le Seigneur leur demande. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et non par un simple acquiescement mental. Cette sorte de foi mentale n'est pas la foi du cœur. Ceux qui n'ont qu'une foi mentale se sont peut-être convertis à la Bible ou se sont convertis à l'Église, mais ne se sont pas convertis au vrai christianisme encore. Il y a toutes sortes de petits évangiles faciles qui circulent et qui sont prêchés de nos jours et qui ne produisent que des chrétiens qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne font rien pour le Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La confession n'est que la ligne de départ du salut. Nous n'y sommes pas encore parvenus. Après avoir franchi la porte, il reste à marcher dans le chemin étroit dont a parlé le Seigneur. On ne peut pas prendre uniquement Romains 10, 9, 10 et ne plus s'occuper de tout ce que les autres passages de la Bible enseignent à propos du salut. Je suis toujours étonné de voir ce que les chrétiens vont aller chercher dans un verset. Ils voient toutes sortes de choses qui ne sont pas écrites et ils ne voient pas ce qui est écrit. Ils n'y voient que ce qu'ils veulent y voir. Jean 12, 42, 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, la confession de bouche, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Nous voyons ici que la confession est l'aveu public que nous croyons en Jésus. La foi de ces chefs était inefficace à leur procurer le salut, car ils ont craint la persécution et fermé leur bouche. Pourtant, ils avaient cru dans leur cœur, mais ce n'était pas suffisant. C'est l'aveu d'être chrétien devant des incroyants qui est la véritable confession qui sauve. La confession est la première œuvre de la foi. On se rappelle que Jacques a écrit « La foi sans les œuvres est morte en elle-même ». Croire dans notre cœur ne suffit pas. Il faut une confession publique. Voilà l'œuvre jointe à la foi et qui nous sauve. Jean 19, 20, 22. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Pilate a reconnu Jésus-Christ publiquement comme roi, c'est-à-dire comme seigneur. L'inscription était en hébreu pour évangéliser les Juifs, en grec pour évangéliser les gentils venus pour la Pâque et en latin pour évangéliser les soldats, ce qui était également une préfiguration prophétique de l'établissement de l'Église de Christ sur la terre. D'abord, l'Église s'est établie en sol juif à Jérusalem, ensuite chez les nations grecques à l'époque de Paul, et finalement à Rome, son siège définitif. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Alors on voit que Pilate a été ferme dans sa confession de foi. Par cette inscription, Pilate a confessé publiquement et hautement sa foi au Christ. Ma position est que Pilate était sauvé. Ma position est que Pilate était sauvé. Cette inscription placée sur la croix constitue une confession publique très valide, une confession qu'il exposait à des persécutions très graves de la part de Rome. La petite prière que l'on fait faire aux gens après un service, ça vaut ce que ça vaut, mais la vraie confession à salut est celle où l'on s'expose à l'opprobre du Christ. Selon Tertullien et Eusèbe, historiens chrétiens du 1er siècle, Pilate est allé à Rome témoigner du Christ devant le Sénat. Saviez-vous ça? Ben maintenant, vous le savez. Alors, je crois que Pilate a été sauvé. Hébreux 13, versets 13 et 15. « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Ici, on ne parle pas de la louange que l'on fait dans les églises. Le sacrifice de louange, c'est le sacrifice de la confession de son nom, le sacrifice du témoignage qui nous expose à la moquerie et à la persécution. Sortir hors du camp, c'est sortir la tête, sortir de la mêlée, confesser le nom de Jésus en s'exposant à la persécution comme Christ l'a fait. Il faut sortir de nos églises où l'on est cantonné et aller rendre témoignage aux gens dans la rue et dans les maisons, comme les premiers chrétiens le faisaient. Faites de votre maison un lieu où vous donnez des études bibliques évangéliques et où vous invitez des gens du dehors, vos voisins, vos connaissances, votre parenté, vos confrères de travail ou autres. C'est ce que les premiers chrétiens faisaient. Actes 5:42. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voici un autre verset très intéressant. 1 Jean 4:15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Ce verset semble rendre le salut d'une facilité extraordinaire, mais détrompez-vous. Il faut, pour bien interpréter ce passage, se rappeler du contexte historique dans lequel il a été écrit. Cette épître de Jean a été écrite à l'époque de l'empereur Dioclétien. C'est dans une terrible période de persécution. Confesser Jésus-Christ comme fils de Dieu était un crime contre l'État et était passible de mort dans les plus affreuses tortures. Alors oui, cette confession de Jésus comme fils de Dieu était la preuve que Dieu demeurait en nous. 1 Timothée 6:12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. On ne connaît pas les circonstances exactes où Timothée a fait une confession publique. Il semblerait que Timothée a peut-être été arrêté, comme il arrivait à Paul quelquefois, et qu'il dut comparaître en justice quelque part, où il a profité de l'occasion pour témoigner du Christ publiquement. Exactement comme Paul le faisait lui-même quand il était arrêté. On se rappelle ce que Paul lui a dit, hein? « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Voilà la vraie confession qui sauve. Voilà la vraie reconnaissance de Jésus comme Seigneur. Les chrétiens qui ont fait ce genre de confession sont assurément sauvés et sont en pleine sécurité de leur salut. Maintenant, est-ce qu'il y a dans la Bible des exceptions où certaines personnes étaient en état de fausse sécurité? Eh bien, il y en a des tas. Ce sont ceux qui n'ont fait que confesser le Seigneur du bout des lèvres, mais qui n'obéissent pas à ce que le Seigneur leur demande. Ils ont la foi sans les œuvres de la foi. Tous ceux-là ne sont pas dans la sécurité du salut, mais dans la présomption du salut. Nous avons parlé de la confession qui sauve, parlons maintenant de celle qui ne sauve pas. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Une foi qui n'est pas accompagnée par les œuvres d'obéissance au Seigneur ne sera pas suffisante pour assurer le salut. Matthieu 22, 2, 3. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ils n'ont pas voulu venir, alors ils ont été laissés dehors. Lorsque nous avons passé notre vie dans la désobéissance de ce que le Seigneur nous demandait, nous n'entrerons pas dans la salle de noces. Matthieu 21, 28, 30, la parabole des deux fils. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux fils a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Vous voyez, encore une fois, les chrétiens qui disent croire en Jésus mais qui n'obéissent pas à ce que Dieu leur demande sont dans l'illusion du salut. Les vieux chrétiens de 30 ans, là, qui n'ont fait que lire la Bible et écouter des sermons le dimanche toute leur vie, là, sans rien faire d'autre, sont dans la tiédeur et l'illusion du salut. Ils ont une foi morte. Qu'est-ce que l'état de tiédeur? C'est la foi sans les œuvres de la foi. Si l'on vous a enseigné que la foi seule vous sauverait, ça revient à dire que la tiédeur suffirait au salut. Ceux qui vivent dans l'état de tiédeur sont dans l'illusion du salut, donc dans une fausse sécurité. Qu'est-ce que la tiédeur, sinon la loi du moindre effort? Là où l'obéissance chrétienne est difficile, les doctrines de facilité abondent. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, etc. » Alors je leur dirai ouvertement, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ou plus précisément, qui pratiquez le péché, sous-entendu, qui le pratique avec joie, sans le combattre et sans se repentir. » On a là encore des chrétiens qui vivent dans l'illusion du salut et de la fausse sécurité. Matthieu 25, 11, 12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Encore un cas où la confession de la bouche n'a pas suffi au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elles avaient la lampe, mais sans huile. Elles avaient la foi, mais sans les œuvres. Ceux qui ont la foi sans les œuvres que Dieu leur demande sont dans l'illusion du salut, donc dans une fausse sécurité. Luc 6, 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée. La ruine de cette maison a été grande. Bâtir sa maison sur le sable, c'est se contenter de croire sans faire la volonté de Dieu, sans faire la volonté de Christ. Cette foi à l'eau de rose ne résistera pas au torrent du jugement de Dieu. Bâtir sa maison sur le roc, c'est assurer son salut. Creuser profondément. Bâtir une telle maison est un travail. C'est le travail des œuvres d'obéissance au Christ. Jésus dit, « Tout homme qui vient à moi, mais qui ne met pas mes paroles en pratique, sa ruine sera grande. » Celui donc qui bâtit sa maison sur le sable, sur la facilité, et qui ne met pas les paroles du Seigneur en pratique, vit dans l'illusion du salut. Donc, dans une fausse sécurité. Luc 13, 24, 26 maintenant. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Bossuet a écrit « Le salut ne doit pas être entrepris avec mollesse. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues ». Bien, la porte étroite, ce n'est pas la porte de l'Église, mes amis. La porte large, c'est la porte de l'Église. Beaucoup entrent par là. La porte étroite, c'est de faire la volonté de Dieu pour notre vie, et c'est mettre les paroles de Christ en pratique. Tu as enseigné dans nos rues. Les chrétiens qui ne font qu'écouter des sermons vivent dans l'illusion du salut et dans une fausse sécurité. Matthieu 24, 45-51, la parabole du serviteur infidèle. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Pour un serviteur de Dieu, il est extrêmement important d'être fidèle à ce propos-là. Combien de croyants doivent aujourd'hui leur salut à une petite parole qu'ils ont entendue juste au bon moment? Et que se serait-il passé si vous n'aviez pas entendu celle qui vous a converti? Le serviteur de Dieu doit obéir aux moindres inspirations de l'Esprit, car il n'y a pas de petite semence. Toute porte en elle la vie de Dieu, et de ceci nous sommes responsables. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais écoutez bien ceci, frères et sœurs. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », voyez-vous l'épreuve du temps? Le chrétien peut résister au péché, résister au mauvais traitement, résister au deuil, résister à la persécution et à peu près tout. La plus grande épreuve du chrétien, par exemple, c'est l'épreuve du temps. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, ici, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un faux serviteur ou d'une personne qui n'a jamais été un vrai serviteur, parce qu'il est très clair qu'il s'agit bel et bien d'un serviteur, pas d'un étranger. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous voyons ici un serviteur fidèle et prudent qui se transforme au fil du temps en méchant serviteur. Beaucoup de chrétiens vieillissent très mal. Quand la douce présence de Dieu ne se fait plus sentir, là se révèle le vrai visage de ceux qu'il appelait ses enfants. Je vous pose la question. Est-ce que ce serviteur n'était pas en sécurité dans la maison de son maître? Oui, il l'était. Il a perdu son statut de serviteur le jour où il a cessé de se comporter en tant que tel et où il a cessé de faire ce que son maître lui avait demandé. Il a perdu son statut par libre choix, non parce qu'il n'était pas en sécurité. Est-ce que le chrétien perd son libre choix quand il devient chrétien? Non, c'est de son libre choix que ce serviteur a déchu de son statut. Ne soyez pas de ceux qui changent la sécurité du salut en dissolution du salut. Ne soyez pas de ceux qui changent la sécurité du salut en sécurité de péché. Voyez comme ce serviteur se sentait en sécurité. Il se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. » Voyez la fausse sécurité dans laquelle il était. Le Seigneur fait beaucoup d'avertissements et de menaces même dans la Bible. Mais ce n'est pas par plaisir, c'est bien plutôt par amour, car Dieu n'aime pas châtier. Si Dieu fait des menaces à certaines catégories de personnes, c'est parce que ceux-ci ne comprennent pas le langage ordinaire de Dieu, qui est la douceur et l'affection. Toutes les paraboles qu'on vient de voir sont destinées à créer en nous de la crainte, et de cette crainte naît le réveil spirituel, personnel, qui sauve. Saint Augustin a écrit « Pourquoi le juge nous menace-t-il de son arrivée? C'est pour qu'il ne trouve plus de coupables à punir lorsqu'il viendra. » La parabole du serviteur fidèle maintenant, en Luc 12, 36 à 46. Nous avons la même parabole, mais exprimée avec des mots différents et des emphases différentes. « Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? » Bon, Pierre n'écoutait pas parce que Jésus venait juste de dire, « Vous aussi, tenez-vous prêts. » Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Jésus parle même de quelqu'un qui a été établi dans le ministère ici. Pas d'exception ni d'acception. Le salut du pasteur peut se perdre tout comme le vôtre, s'il ne veille pas sur lui-même. Le chrétien prudent se tient réveillé spirituellement, tandis que la tiédeur inspire un sentiment de fausse sécurité. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Mais si ce serviteur dit en lui-même « Mon maître tarde à venir s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. » Voyez-vous, le serviteur auparavant fidèle, quand son maître était présent, devient négligent, imprudent, violent, ivrogne et infidèle quand son maître est absent pendant trop longtemps. Jésus veut nous dire que comme ce serviteur auparavant fidèle est devenu infidèle et a perdu son statut, de même le disciple fidèle qui retourne se vautrer dans ses péchés perdra son statut de fils de Dieu et donc aura perdu son salut. La parabole des mines, Luc 19, 11, 26. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Lorsqu'il fut de retour, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. » Belle image d'un chrétien qui ne veut pas faire la volonté de Dieu et qui l'enveloppe dans le linge de la foi seule et l'enterre dans le sol de la tiédeur. Il leur dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? » etc. « Ôtez-lui la mine, car à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le salut peut donc nous être ôté. » Hébreux 10, 26, 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Moi, j'ai connu un vieux chrétien qui avait mal vieilli. Il a tout abandonné. Il est devenu orgueilleux, totalement tiède. Il se moque de tous les autres chrétiens qui vont encore à l'église. Il ne vit plus que pour ramasser du bien matériel. Je le rencontre par hasard un jour et nous avons échangé quelques mots à propos du Seigneur. Il me dit, « Oh, moi, je suis sans inquiétude pour mon salut. Un jour, j'ai placé ma foi et ma confiance en Jésus il y a plusieurs années et tout est accompli. » Lorsque cet homme a tout abandonné, il est tombé dans l'illusion du salut et de la fausse sécurité. Ce genre de chrétien n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Certains chrétiens vivent dans l'illusion d'être encore dans la vérité. 1 Jean 1,8 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Jean s'adresse bien à des chrétiens. Mais leur raisonnement témoigne d'un esprit qui est réprouvé, qui vit dans la fausse sécurité de se croire sauvé. J'ai connu des pasteurs qui ont littéralement détruit la vie des gens, mais qui marchent aujourd'hui la tête haute, comme si rien ne s'était jamais passé. En vérité, je vous le dis, aucune de ces méchantes bêtes n'entrera dans le royaume de Dieu. 1 Jean 1, 5, 6 Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il faut pratiquer la vérité et pas seulement nous contenter d'y croire. Lorsque nous pratiquions le péché, nous posions des gestes concrets. Maintenant que nous connaissons la vérité, nous devons agir en conséquence également. Posséder la vérité ne sauve pas, c'est pratiquer la vérité qui sauve. Si nous marchons dans les ténèbres du péché, croyant que la justice de Christ nous couvre encore, nous faisons là une grave erreur. La doctrine luthérienne dit que Dieu a pris la justice de Christ, nous l'a appliquée un peu comme une étiquette, ce qui fait que maintenant nous pouvons même vivre dans le péché et continuer à être justes aux yeux de Dieu quand même. Mais la doctrine biblique dit que Dieu a pris la justice de Christ, nous l'a appliquée de sorte qu'il nous a donné le pouvoir de vivre dans la lumière de la sainteté. Ceux qui, par leur enseignement, étendent la justification du croyant jusque dans le domaine des ténèbres, séduisent l'Église et perdent beaucoup d'âmes. Si vous vivez dans l'iniquité, vous vivez dans l'illusion du salut. Psaume 34:15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Voilà le fruit d'une vraie justification. La justification ne supporte pas le vide de la stérilité. 2 Timothée 2:19. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà la vraie confession à salut qui nous fait parvenir à la justice dont a parlé Paul. La pratique du bien prouve que notre confession de bouche n'était pas des paroles en l'air. Notre abandon du péché et la pratique du bien prouvent que notre confession de bouche n'était pas des paroles en l'air. Hébreux 12:14. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens ici, là. Hein? Romains 5:19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Justes dans la réalité, justes dans leurs actions et agissements, justes qui se comportent selon la justice. Le juste est une personne qui observe les commandements divins, pas celui qui porte une étiquette. Matthieu 19:16-17. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » À l'école du Christ, on ne vivait pas dans l'illusion que la foi seule suffisait à tout. Nous avons été justifiés, non pour nous asseoir sur notre justification, mais pour produire des œuvres justes. Vous avez été justifiés, mais prenez garde, ne manquez pas de combattre le péché qui vous a été pardonné, sinon vous retomberez sous la condamnation. Romains 8:12-13. Ainsi donc, frères, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Je vous le dis, frères et sœurs, qu'à l'école de Paul, on ne vivait pas dans l'illusion de la justification. La doctrine luthérienne de la justification est une exagération de la grâce. Jude 5:7 nous donne 3 exemples bien connus des Écritures pour corriger cette exagération de la grâce de Dieu, qui était déjà répandue dans l'Église par de faux docteurs. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour. 2 exemple, et enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. 3 exemple, Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent, comme eux, à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Jude, qui était un apôtre de la Nouvelle Alliance, tire des avertissements de l'Ancienne. Comme Paul écrit que « toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, etc. » Il parlait des écritures de l'Ancien Testament, car le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle de lui-même, de sa justice ou de son amour, tout est encore en vigueur. Ézéchiel 18:20-32. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché et à cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Hein? Ne sont-ce pas plutôt vos doctrines qui ne sont pas bibliques? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il meurt pour cela. Il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Ça, c'est la justice de Dieu. Si le méchant revient de sa méchanceté, pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra et ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez. Alors, quand Dieu parle de justice, en Ézéchiel 18 ici, nous ne pouvons pas balayer le passage du revers de la main en disant « Ah, ben ça c'était l'Ancien Testament, c'est plus bon pour nous autres, ça. » Non, mes amis, ce n'est pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse. Il n'est pas question de la loi de Moïse ici, mais de la justice de Dieu, de son caractère juste. Et ça, ça ne change pas, car Dieu ne change pas. Matthieu 22, 11, 13. La salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est-à-dire des regrets mortellement amers. Alors, frères et sœurs, il vaut mieux grincer des dents de ce côté-ci de la tombe que de l'autre. L'habit de noces, ce sont nos œuvres bonnes, nos actions, nos paroles bonnes, et nos prises de position justes, notre conduite sainte et nos œuvres charitables. Apocalypse 19, 7, 8 parle de notre habit de noces. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ceux qui sont venus s'asseoir à la table sont les chrétiens venus s'asseoir dans l'église. Mais Dieu fera un tri dans son église. Personne n'entrera dans la salle de noces sans avoir fait de bonnes œuvres, d'œuvres justes et d'œuvres charitables. C'est au poignet des œuvres charitables qu'il faut prendre le pouls du salut. La stérilité en œuvre bonne est la marque d'une âme tiède et damnée. Je me rappelle, il y a plusieurs années, je suis allé dans une église baptiste pour acheter des Bibles. On est venu m'aborder et je leur dis j'étais chrétien comme eux. Je me présente, la première question qu'eux me posent c'est « Es-tu sûr de ton salut? » Bon, je découvre plus tard que c'était pour eux le test infaillible pour savoir s'ils avaient affaire à un vrai chrétien ou non. Ce n'est pas étonnant parce que les églises baptistes sont les fervents disciples, sont les descendants des enseignements de Martin Luther. Luther, en effet, disait « Si vous croyez que vous êtes sauvé, vous l'êtes. Si vous avez la foi de croire que vous êtes sauvé, vous l'êtes. Si vous avez l'assurance d'être sauvé, vous êtes sauvé. » Fin de citation. Mais laissez-moi jeter tout de suite ce mythe par terre. Ce n'est pas l'assurance du salut qui sauve, c'est la nouvelle naissance. Quand Jésus habite en une personne, cette personne aime ce que Jésus aimait et déteste ce que Jésus détestait. Une personne qui n'est pas transformée n'est pas sauvée. Un chrétien qui est une brute, même s'il a l'assurance de son salut, n'est pas sauvé. Je le répète, ce n'est pas l'assurance du salut qui sauve. Vous ne trouverez pas ce plan de salut efféminé-là dans la Bible. Luther avait une conception de la foi qui n'était pas biblique. Une foi mentale ne sauvera personne. La Bible dit que la sécurité des insensés les perd, Proverbe 1:32. La preuve de salut par excellence, c'est d'être une nouvelle créature. Qu'est-ce qu'une nouvelle créature? c'est une personne qui marche en nouveauté de vie, c'est-à-dire qui ne vit plus comme avant. Les affections d'une personne née de nouveau sont totalement transformées. Auparavant, elle aimait ses péchés, maintenant elle les déteste et aime les fruits de l'esprit à leur place. Elle posait des actions injustes, maintenant elle pose des actions justes. Elle jugeait injustement des choses et des gens, maintenant elle a un sens de la justice qui est droit. Elle posait des actions mauvaises et prononçait des paroles méchantes, maintenant elle produit des œuvres bonnes et donne de bonnes paroles à ceux qui l'entourent. Le salut n'a rien à voir avec l'autosuggestion de l'assurance de son propre salut. La doctrine luthérienne du salut induit dans une fausse sécurité, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants, entre guillemets, se pensent sauvés alors qu'ils sont en route pour l'enfer. Proverbe 30, 12 à 14. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux. Pourtant, ces gens-là se croient purs. Une autre chose qui peut créer une fausse sécurité, c'est de changer d'église. Le salut, ce n'est pas changer d'église. Ce n'est pas changer d'église qui sauve, mais changer de cœur et changer de conduite. Changer d'église ne sauve pas. Sortir d'une église et entrer dans une autre ne sauve pas. Une personne peut être sauvée dans n'importe quelle église et elle peut se perdre dans n'importe quelle église. Écoutez-moi bien. Sortir les gens de l'église catholique ne les sauvera pas. Les faire entrer dans une église protestante ne les sauvera pas plus. Décatholiciser les gens ne les sauvera pas. Protestantiser les gens ne les sauvera pas davantage. Vous comprenez-vous ce que je veux dire? Évangéliser, c'est annoncer l'évangile de Christ. C'est amener les gens à se regarder et à découvrir qu'ils ont besoin d'un sauveur. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour les pécheurs et l'offre d'une réconciliation gratuite par le moyen de la repentance de cœur et de la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité. Voilà l'Évangile qui sauve et que nous devons annoncer. De fils désobéissants que nous étions, nous devenons des fils obéissants à la volonté de Dieu. Voilà l'Évangile qui sauve et que nous devons annoncer. Le salut, ce n'est pas posséder des doctrines bibliques. La théologie n'a rien à voir avec le salut. La théologie ne sauve pas. Des croyances qui ne sont pas bibliques, il y en a chez les catholiques, il y en a autant chez les protestants. Des fausses doctrines, il y en a dans toutes les églises et dans tous les camps. Il n'y a personne de biblique à 100%. Nous bronchons tous de plusieurs manières, nous dit Jacques dans son épître. Résumons. Beaucoup de croyants ont l'assurance de leur salut et ne sont pas sauvés. Jésus en a beaucoup parlé. Il y a ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui vivent dans le péché, Matthieu 7, 23. Il y a tous ceux qui n'obéissent pas au Seigneur, Matthieu 7, 21. Il y a tous ceux qui ne confessent pas leur péché, 1 Jean 1, 8 à 10. Il y a tous ceux qui n'ont pas l'habit de noces, Matthieu 22, 12, 13. Il y a tous ceux qui enterrent leurs talents et ne font pas fructifier, Matthieu 25, 25 à 30. Il y a tous ceux qui sont stériles en œuvres bonnes, Matthieu 3, 10. Il y a tous ceux qui n'ont pas exercé la charité envers leurs frères, Matthieu 25, 31 à 46. Il y a tous ceux qui sont sombrés dans la haine, 1 Jean 3, 8, et tous ceux qui sont dans un état de tiédeur, Apocalypse 3, 16. Tous ces croyants-là ont l'assurance de leur salut aujourd'hui et iront pourtant en enfer. En conclusion, comme on l'a vu, la fausse sécurité peut avoir des conséquences terribles. Le petit salut facile et fictif que nous a proposé Martin Luther n'est pas biblique. Beaucoup de gens pensent être sauvés par lui et ne le seront pas. Au jour du jugement, beaucoup auront la bouche fermée et auront eu l'assurance de leur salut sur la terre pourtant. Avant de nous croire en sûreté, il faut attendre d'être arrivé devant le Maître et qu'il ait reconnu sur nous l'habit de noces. Il serait donc sage et avisé de nous remettre en question maintenant, à savoir si nous sommes réellement dans le salut biblique ou si nous nous berçons dans l'illusion du salut. Celui qui vit dans le péché sans le combattre vit dans l'illusion du salut.